on joue au hockey, on joue. Le but, évidemment, c'est de ramener ça un peu comme c'était dans le temps, là, de les faire sortir des hors. C'est ça, parce que là, c'est sûr qu'avec les années, comme je disais tantôt, là, ils sortent beaucoup de cours différents. Puis les jeunes jouent, tu sais, il y a du soccer qui est populaire, le baseball, les sports qui sont populaires aussi. Mais moi, je voulais amener d'autres choses de différents, les faire jouer d'un sport différent à chaque soir. Fait que, les jeunes, il y en a qui aiment moins ça jouer au soccer, mais ils aiment ça jouer au flag football ou un jeu de ballon ou quoi que ce soit. Fait que, dans le fond, c'est un peu de l'éducation physique, si on veut. Tous les sports qui peuvent faire en éducation physique. Et même le hockey Cossum, j'ai joué au hockey Cossum la semaine passée. Okay. C'est de faire bouger les jeunes, garder la forme, puis lui montrer aussi à s'encourager d'être des bons coéquipiers. Parce que c'est bien beau là, de performer, là, mais c'est pas le but. Là. C'est vraiment, c'est pas de compétition, là, c'est vraiment s'amuser. Là. OK. Donc, et là, qu'est-ce que tu entends faire au cours des prochains mois? Est-ce que ça va être, là, j'imagine que c'est pour l'été. J'imagine, est-ce que ça va se continuer à l'automne? Exactement. La formule, là, comme je te disais tantôt, Dani, c'est sur un an. Je m'engage un an, dans le fond. Okay. C'est ce que j'expliquais aux parents et à la municipalité. Fait que moi, je me sers de toutes les infrastructures de la municipalité présentement. Fait que ce soit le terrain de balle ou les terrains de jeu, puis l'aréna. Fait que tous les équipements m'ont été fournis par l'école Bon Pasteur. OK. Puis, je suis encadré par une municipalité au niveau des infrastructures. Puis, ça s'étale sur un an. Fait que dans le fond, moi, mes cours d'été vont finir au mois d'août. OK. Puis là, je vais avoir un petit break d'une couple de semaines pour les entrées des classes. Après ça, je vais reprendre les inscriptions pour l'automne qui vont se poursuivre tout l'hiver. Okay. Fait que je vais me servir de l'aréna, patiner, on va jouer au hockey. Intérieur, puis au niveau du gymnase de l'école, là, qui s'est supposé d'être de m'être offert, là, le gymnase là, va me servir de ça là, pour faire bouger les jeunes durant l'hiver là, à l'intérieur. Même que je peux me servir, là, on peut faire de la raquette, on peut jouer au hockey rue, des choses comme ça. Là, OK. Mon plan. OK. Hey, mais Michel, je veux ouvrir une parenthèse. Curiosité. L'aréna de Saint-Jean-d'Arc, oui. Là, ça n'a aucun rapport. Là. Tu m'as parlé de l'aréna. Là. Est-ce que l'aréna de Saint-Jean-d'Arc, elle marche encore pas mal? Est-ce qu'elle est occupée pas mal l'hiver? Oui, je suis occupé parce que moi, je suis aussi président des loisirs. Fait que, OK. C'est surtout l'hiver. Là, que... Oui, c'est surtout l'hiver là, que je m'implique beaucoup là, au niveau de l'aréna. OK. On a eu un tournoi, je te dirais, plusieurs années, on a eu un tournoi là, qui fonctionnait très, très bien. Là. Et depuis 2-3 ans, là, le tournoi n'existe plus à Saint-Jean-d'Arc. Fait qu'on a une salle de jeu, patinage libre, hockey libre, là, qui est disponible là, tous les soirs, fin de semaine. Puis l'hockey libre, ça marche-tu un petit peu? Ça marche-tu un peu, l'hockey libre? Oui. Oui, j'ai des gars de Delbeau, Mistassini, qui viennent jouer. Okay. Ça donne l'opportunité aussi aux jeunes de Delbeau, de Saint-Jean-d'Arc, de patiner là, quand ils veulent. Oui, parce que le Delbeau, veut pas, là, l'aréna, il y a quand même, il y a un dôme quand même, hein, puis les deux arénas sont souvent très, très pleines, donc ça doit déborder quelque part, là. Oui, exactement. C'est pour ça que les gars veulent patiner, ils veulent avoir plus d'heures de patin. Fait qu'ils m'appellent, puis ils réservent les heures le soir, puis ils viennent jouer en gang. Puis, OK. Ça lui donne des heures de plus. OK. Donc, prochaine... Ça occupe. OK. Donc, ça va bien. C'est une belle initiative, évidemment. Donc, est-ce qu'il est encore le temps de s'inscrire? Oui. Là, c'est justement, j'ai formé un groupe multisport d'amis là, sur Facebook. Oui. Avec tous les parents, là, tous les parents qui sont inscrits, tous les jeunes qui sont inscrits sont dans le groupe multisport présentement. Là, j'en ai 45 membres, je pense, présentement. OK. Fait que j'ai 35 jeunes à peu près d'inscrits. Fait que toutes les informations sont sur le groupe multisport. Fait qu'à chaque... à chaque soir ou la journée d'avant, là, j'inscris le sport qui va être pratiqué le lendemain. Puis que les jeunes se préparent puis savent à quoi s'attendre. Okay. Toutes les informations sont sur le groupe Facebook. Puis oui, les inscriptions sont toujours disponibles parce que j'ai toujours de la place. Okay. J'en refuse pas dans le fond là, parce que j'ai de la place dans les deux groupes. Je voudrais me rendre à peu près à 30 jeunes par groupe, là, l'idéal. Là. Okay. Fait que, j'ai encore de la place sans problème. Bon, ben c'est beau, fait que c'est une belle initiative. Félicitations, Michel. Belle initiative, évidemment, ça prend beaucoup de. Ça prend du monde pour s'occuper, évidemment, de ces jeunes-là. Puis de prendre de ton temps pour faire ça, c'est une belle initiative. Ah, ouais, merci, Danny. Puis j'espère que ça va se continuer, là, se poursuivre là, à l'automne, parce que tu sais, j'ai des surprises aussi qui vont arriver durant l'été. Là, ouais. On veut organiser un voyage, on veut. Et dans le fond, là, c'est ça un peu le but, là, c'est de mixer ça tout ensemble avec le baseball le lundi puis le mercredi. Et s'amuser avec les jeunes, puis garder, dans le fond, qu'ils gardent la forme. Qu'ils gardent ça aussi en tête, puis quand ils arrivent au secondaire, ben là, tu sais, ils ont pratiqué plusieurs sports, plusieurs habilités. Fait que, Il apprend à se connaître et jouer en équipe aussi là-dedans. OK. Ben, Michel, félicitations, bravo. Puis si jamais il y a quelque chose, gêne-toi pas, on est là pour ça, les organismes de sport. Parfait, merci beaucoup. Voilà, Michel Robert, qui fait bouger les jeunes pour les jeunes de Saint-Jean-d'Arc, Saint-Augustin et Péribonc.